Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Mario Lemieux, Mario le Magnifique. Number 66, Mario Lemieux. Voilà, Mario Lemieux s'en va donc à Pittsburgh, chez les Pingouins. C'est ce que Johnston vient de révéler. C'est le merveilleux centre des voisins de Laval. Le 9 juin 1984, Mario Lemieux est le premier choix au repêchage des Pingouins de Pittsburgh. La carrière de Mario Lemieux, qu'on appellera Mario le Magnifique, est remarquable à plusieurs égards. Mario Lemieux va d'abord se distinguer sur la patinoire avec 690 buts et 39 tours du chapeau en carrière, une médaille d'or pour le Canada aux Jeux olympiques de Salt Lake City et deux victoires de la Coupe Stanley avec les Pingouins de Pittsburgh. Mais la carrière de Mario Lemieux révélera aussi le courage exceptionnel d'un joueur frappé par la maladie, mal de dos pratiquement chronique et maladie de Hodgkin. Voilà, Mario Lemieux s'en va donc à Pittsburgh, chez les Pingouins. Et il a marqué, comme l'a dit Bernard, 133 buts, 149 passes, en 70 parties de jouer, 282 points et 92 minutes de punition seulement, 6 pieds 4, 200 livres. Ouais, c'est assez impressionnant comme statistique et comme taille également, Mario Lemieux, il n'y a aucun doute là-dessus. Lemieux, on peut dire énormément de bonnes choses à son sujet. En fait, il a toutes les qualités, beaucoup de rapidité, dans le coup de patin, dans l'exécution. C'est un excellent marqueur, il n'y a aucun doute là-dessus. Son coup de poignet, dit-on, et son tir du poignet font qu'il est un des très bons joueurs et un des bons joueurs d'avenir. Il y en a plusieurs qui le comparent éventuellement à Wayne Gretzky. Claude Canneville et Bernard Brisset lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey le 9 juin 1984. Cette année-là, le premier choix au repêchage des Pingouins de Pittsburgh est le jeune et talentueux joueur des voisins de Laval, Mario Lemieux. Pour nous parler de la carrière exceptionnelle de Mario Lemieux, l'historien Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous, avec le petit ton des commentateurs sportifs. Ah ben oui, comme Mario Lemieux, il faut parler. Écoute, Jacques, on va patiner aujourd'hui. C'est votre choix. C'est votre choix. Je tiens à le souligner, Laurent. Vous teniez absolument à faire cette émission sur Mario Lemieux. Pourquoi? Pourquoi Mario Lemieux par rapport à... Vous auriez pu décider de faire une émission sur Jean Béliveau, oui, sur Guy Lafleur, sur Wayne Gretzky. Pourquoi Mario Lemieux? Ben, pour différentes raisons. On le sait que dans les années 80, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont marqué la Ligue nationale et on avait une espèce d'opposition entre Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Lequel est le meilleur? Et on le sait, ça a défrayé la chronique des journaux sportifs. Tous les animateurs se sont posé la question. Mais Mario Lemieux, c'est plus qu'un joueur de hockey. C'est un exemple de résilience. Mm-hmm. C'est un peu un destin brisé, pourrait-on dire. Vous l'avez dit, problème de dos, maladie de Hodgkin. Et c'est un joueur qui a réussi non seulement à relever son niveau de jeu dans toutes les circonstances, même les plus difficiles, dans les matchs, les septièmes matchs de série finale de la Coupe Stanley, dans les prolongations, dans les moments les plus cruciaux, il était là. Et il avait cette image d'un homme qui incarne une certaine classe aussi. Vous avez parlé de Jean Béliveau. Le rapprochement est peut-être pas complètement faux de dire que Jean Béliveau et Mario Lemieux, il y a un lien, ne serait-ce que par la grandeur, vous l'avez entendu, 6 pieds 4, 200 livres. Et la grande différence, Mario Lemieux, on avait l'impression que quand il avait la rondelle, il était debout sur la glace, alors que tous les autres étaient accroupis. Ouais. Chaque fois que vous regardiez un match des Penguins de Pittsburgh, vous regardiez, il y avait une tête qui sortait, il y en avait des tout aussi grands que lui, mais lui, il regardait le jeu, il voyait plus que tout le monde. Un géant aux qualités sportives, mais aux qualités humaines. Un exemple, au fond, de courage. On va le voir tout au cours de cette émission. Commençons par ses années au junior. Déjà, c'est un grand joueur. Ah oui, ben écoutez, il commence à jouer, il a l'âge de 4 ans à Villemar, il joue dans la patinoire à côté de l'église Saint-Jean-de-Mata. On se rend compte qu'il y a un potentiel. Il arrive aux voisins de Laval et lors de sa première saison, il dit, ben moi je vais battre le record du plus grand nombre de buts, de passes et de points. Il réussit pas la première saison, il va réussir la deuxième saison. Et là, mon Dieu, tout le monde le voit comme le fameux Gretzky qui s'en vient. Et même, à l'époque, il y avait le numéro 27. Et des agents vont s'occuper de lui, vont lui dire, ben, peut-être que tu pourrais changer de numéro. Si tu prenais, par exemple, le 66 pour inverser avec Gretzky qui a le 99. Clin d'œil, ouais. Donc déjà, c'est un clin d'œil, mais aussi, c'est l'ambition qui dévore le jeune homme dès son entrée. Bon, il joue à Laval, il est à côté de Montréal. Il y a quelque chose qui se crée autour de ce joueur-là. Et le jour du repêchage, on l'a entendu, c'était au Forum de Montréal. Mm-hmm. Donc, et les Penguins de Pittsburgh, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'extrait, prennent le soin de dire le 66. Oui. Ils le disent en français. Oui. Pour repêcher Mario Lemieux. Mais ça sera pas grand talent, mais conscience de son talent, grande ambition. Il veut devenir le plus grand joueur du circuit et puis tête forte. Puis on va le voir justement à cette fameuse session de repêchage, Laurent Turcot. On a fait ensemble l'histoire d'Éric Lindros, oui. L'affaire Lindros. Puis les auditeurs vont peut-être s'en souvenir, mais en 91, Lindros refuse, quand il est repêché, de porter le chandail des Nordiques. Lemieux va faire la même chose. Exactement la même chose. En 84. On l'écoute répondre aux questions de Lionel Duval cette année-là. Tu ne t'es pas présenté à la table de Pittsburgh. Pourquoi? Disons, c'est juste parce que j'ai pas l'intention d'aller à la table de Pittsburgh. C'est à cause des négociations. Puis j'ai pas le goût de mettre un chandail de Pittsburgh sans que j'aie un contrat. C'est-à-dire que tu es prêt à passer une année sabbatique? Mais disons, si on le regarde de ce côté-là, on va avoir peut-être plusieurs... point de vue à envisager, peut-être l'Europe, peut-être revenir dans le junior si ça ne marche pas avec les Pingouins. Mais je pense que les Pingouins se doivent de signer un premier choix. Ils ne peuvent pas se permettre de peut-être laisser tomber un premier choix. Puis je pense que la pression est de leur côté. La pression de leur côté, la POC roule, pour, comme on dit dans le langage sportif, pour Mario Lemieux. Il le sait très bien, tête forte, mais surtout très, très conscient de sa valeur. Ah, c'est Lemieux. Impressionnant. La scène, justement, vous l'avez dit, Éric Lindros, on avait l'impression qu'il était le premier à l'avoir fait. Absolument pas. Mario Lemieux, en fait, on annonce son nom en français, comme je vous disais. Il reste assis et il ne bouge pas. Et il attend, il refuse de serrer la main, il refuse de mettre le gilet de Pittsburgh. Et même en anglais, on lui demande pourquoi vous y allez pas. Il réplique « I'm not going to put on the sweater if they don't want me bad enough ». Et en gros, ce qu'il y a derrière, on l'a entendu dans l'extrait, c'est une question de contrat. Ouais. Et ce qui va arriver, ça va prendre quelques semaines. En fait, petite histoire, ce qui est très drôle, parce que les gens à Pittsburgh, au Civic Arena, regardaient la retransmission du repêchage en direct. Et quand ils voient Lemieux qui refuse, les huées commencent à venir dans le Civic Arena. Il y a même des gens qui appellent les Penguins de Pittsburgh pour dire « On ne prendra pas nos billets de saison tant que Lemieux n'a pas signé. » Et ça a été énorme, Lemieux, quand il a signé. Donc, un énorme pouvoir de négociation en sa faveur. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Mais juste pour vous dire, à l'année 83-84, il y avait une moyenne de 7000 spectateurs à Pittsburgh. Après Mario Lemieux, on est passé à 15000. Donc, un pouvoir d'attraction, mais un pouvoir de capitalisation extrêmement fort. Il va signer un contrat le plus lucratif, 700 000 $ sur 2 ans. Et là, on est dans... Pour un nouveau joueur, ça s'est jamais vu, je pense. Hein? Ça s'est jamais vu. Et là, c'est le début carrément des contrats mirobolants. Et Gretzky l'avait déjà fait avant lui. Mais là, Lemieux quintuple encore et on pousse encore plus loin. Ça commence sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh dans la Ligue nationale le 11 octobre 1984. Et vraiment, Laurent Turcot, ça commence en Lyon. Non, ça commence en Lyon. La petite histoire veut que Ron Fournier, qui était l'arbitre à cette époque-là, va voir Mario Lemieux et lui dit, écoute Mario, joue ton match, ne te préoccupe pas des joueurs adverses, c'est moi qui te protégerai. Bon, de là à dire si c'est vrai, on le sait pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'à sa première présence, Mario Lemieux prend le disque, déjoue nul autre que Raymond Bourque et enfile un but à sa première présence. Deuxième match, il marque encore, mais il y a un joueur qui commence à le chahuter, on se dit, oh là là, il est à Pittsburgh à ce moment-là, est-ce qu'il va répliquer? Non seulement il réplique, il laisse tomber les gants et paf! Il commence à se battre. Donc, c'est une manière de dire, je marque des buts, mais si vous m'énervez, les gants vont tomber et je sais me défendre. Un joueur total. Tout à fait. Comme Maurice Richard, c'est exactement la même chose. Ouais. Cette espèce de brute extrêmement fine qui arrive à marquer des buts par la puissance. Et Mario Lemieux, on le connaît aussi par son style. Il prend la rondelle et il passe à travers les deux défenseurs. Il n'a pas peur. Et c'est pour ça que il va être blessé à de nombreuses reprises parce que comme il passe en force, ben disons que plusieurs ne le laissent pas passer. On a parlé déjà de la rivalité entre Mario Lemieux et Wayne Gretzky. C'est assez fascinant cette affaire-là. Prenons un instant pour parler de la relation entre les deux hommes parce que oui, Lemieux veut devenir le meilleur joueur, veut doubler Gretzky. En même temps, il l'admire énormément. Quel genre de rapport ils vont avoir? Ben, dans un premier temps, c'est que, vous l'avez dit, il y a de l'admiration entre les deux, mais la rivalité est totale, ne serait-ce que les numéros 99 versus 66. Mais au moment où Mario Lemieux arrive dans la Ligue nationale, ben, Gretzky est presque au sommet de son art. Il réalise des records c'est plus possible de faire ça. Aujourd'hui, il bat les records de Maurice Richard. On se dit, mon Dieu, mais c'est The Magnificent One, le plus grand de tous les grands. Et là, on se dit, Mario Lemieux ne pourra pas accoter la chose. Ce qui est quand même important, c'est que rappelons que Wayne Gretzky est un Canadien anglais, alors que Mario Lemieux est un Canadien français. Donc, on a encore l'incarnation d'une sorte des deux solitudes dans la patinoire. Mais attention, Gretzky est aux Oilers d'Edmonton, du moins jusqu'à ce qu'il soit échangé à Los Angeles, et Mario Lemieux est à Pittsburgh. Donc, c'est une espèce de rivalité détournée qui va plutôt s'ancrer sur le plan sportif. Et puis, ils vont se retrouver, puis au fond, l'esprit sportif va l'emporter, parce que malgré cette rivalité, il y a un bel exemple, Coupe Canada en 87, Lemieux va briller, mais vraiment assister, littéralement, c'est le cas de le dire, par Wayne Gretzky. Ah, carrément, c'est... Cette époque-là de la Coupe Canada de 1987-88, c'est le moment où Mario Lemieux se découvre. Pourquoi? Parce qu'il est avec les plus grands joueurs de la Ligue nationale, qui sont canadiens comme Mark Messier, Paul Coffey ou encore Wayne Gretzky. Et là, il réalise tout le potentiel qu'il a, mais ce qui lui manque aussi. Parce que quand il arrive à Pittsburgh, ça croupissait dans le fond du classement. On est loin d'avoir une bonne équipe. Et là, il est assisté de grands joueurs. Et sur le dernier match contre l'URSS, qui existe encore à l'époque, qui marque, ben c'est Mario Lemieux, le dernier but de la passe de Wayne Gretzky. Donc, on a véritablement cette dream team canadienne, comme on pourrait dire, avec ce qui sont à l'époque les deux plus grands joueurs. 87, 88, 88, 89, deux saisons exceptionnelles pour Mario Lemieux. Complètement folle. 168 et 199 points. Il égale, en la deuxième saison en 88, 89, il arrive à égalité avec Wayne Gretzky à 199 points. C'est carrément fou aujourd'hui. Et c'est encore l'idée, est-ce qu'on va faire les 50 buts en 50 matchs? Qui va y arriver en premier? Ouais. De quelle manière on va le faire? Il y a cette rivalité, mais peu à peu, les Pringouins prennent du galon. On va engager de plus en plus des meilleurs joueurs, du moins, on va repêcher des meilleurs joueurs. Mais il nous manque encore cette bougie d'allumage et cette bougie d'allumage, ça va s'appeler Jaromír Jágr, qui est un Tchèque, qui joue encore aujourd'hui et qui va venir assister Lemieux et qui va voir son talent décuplé. Et là, on commence à créer ce qui va devenir la dynastie des Pingouins. Et là, on est au début des années 90. 31 décembre 88. Ah, on oui. va rester quand même sur ces deux saisons exceptionnelles un instant. Cinq buts. Il fera plusieurs fois, d'ailleurs. Oui. Trois fois dans sa carrière. Mais le 31 décembre 88, cinq buts dans une même partie, de manière différente. Cinq buts de cinq manières différentes. En avantage numérique, en désavantage numérique, en filet désert, en tir de pénalité. Bref, on arrive à faire tous les moyens possibles et inimaginables pour marquer. Et on se dit, mon Dieu, mais qui va arrêter Mario Lemieux? À tous les matchs qu'il se présente, il est au sommet de son art. Mais entendons-nous, tout le monde veut arrêter Mario Lemieux. Mm-hmm. Donc, les mises en échec sont de plus en plus vicieuses, agressives. Et à l'époque, disons qu'aujourd'hui, les règles ont affadi certaines des mises en échec violentes. Le fameux 6 pouces dans les côtes, des fois, était monnaie courante à l'époque. Et Mario Lemieux en a fait les frais à de nombreuses reprises. Donc, il est parti pour la gloire, Mario Lemieux. Deux saisons exceptionnelles en 87, 88, 88, 89. Mais il y a un virage qui va le suivre, en fait, pour le reste de sa carrière et qui va commencer en 89-90, ces fameux problèmes de dos qui commencent. Ça l'a ralenti, évidemment. Ah, énormément. Mario Lemieux a été un joueur qui a souffert du dos, mais à de nombreuses reprises, tellement qu'en juin 90, les chirurgiens vont procéder à l'ablation d'un disque vertébral, pardon, et il va avoir une infection post-opératoire. Et ce qui est dramatique dans son histoire, c'est que au cours de cette saison-là, il commence à côté le record de Wayne Gretzky, c'est-à-dire une séquence de plus de 46 buts avec au moins un point, excusez-moi, par rencontre. Donc, et 46 rencontres où il a marqué au moins un point. Exactement. Mais ça va prendre fin de manière abrupte parce qu'il commence à jouer le 14 février 1990 contre les Rangers. À peine 5 minutes de jouer, il rentre au vestiaire, il a trop mal au dos. Et là, ce qu'on apprend, c'est que même son entraîneur et les journalistes le savent, il n'attache plus ses patins depuis plusieurs semaines. Il est incapable de se baisser. Quand ils vont voir une équipe adverse en avion, il est incapable de bouger sur le siège. Il doit rester bien calé. Les gens l'aident. On a l'impression de voir un homme de 90 ans, mais quand il arrive sur la patinoire, tout d'un coup, il se transcende. C'est pour ça que je vous parlais de résilience. Ouais. Gretzky, lui, a joué pendant plusieurs saisons, mais il n'a jamais été blessé comme Mario Lemieux. Et ses problèmes de dos vont être rédhibitoires tout au long de sa saison. Problème de dos. Et puis en 92, ce coup de tonnerre dans le ciel, il apprend qu'il est atteint de la maladie d'Hodgkin. Tout à fait. Maladie d'Hodgkin, qui en fait, c'est lors d'une biopsie qu'il y avait un ganglion au niveau du cou. Et on se rend compte qu'il est atteint du cancer. Mais en revanche, il a été pris dans les premiers épisodes du cancer, ce qui fait qu'il est traité très rapidement à Pittsburgh. Et au moment où on le traite, il est le premier marqueur de la Ligue nationale. Et 4 ou 5 semaines après, il revient au jeu après avoir été traité. Et de là, il n'a que 17 points de retard avec Pat LaFontaine qui prend la tête. Et il va finir la saison et il va gagner le meilleur marqueur. Ça veut dire qu'il a passé une saison, il a eu le cancer d'Hodgkin, il a été traité, il est revenu, il a gagné le meilleur marqueur. C'est vous dire quand on parle de résilience, encore une fois. 96-97, parce que ça lui, son dos quand même continue de le ralentir, il décide. Il annonce au terme de la saison 96-97, il est encore assez jeune, qu'il prend sa retraite. Pourquoi? Bien, il prend sa retraite pour plusieurs raisons. Les maux de dos deviennent vraiment problématiques. Et il n'arrive plus à être au sommet de sa forme comme il l'a été. Et il a beaucoup donné. Il a gagné 2 Coupes Stanley. Mais ce qu'on voit mal, c'est que au cours de ses conquêtes de la Coupe Stanley, il va être visé à nombreuses reprises. À un moment donné, il y a un joueur qui va carrément lui asséner un coup de crosse, mais d'une violence qui va lui briser le poignet. Il va revenir au jeu 5 matchs après pour aider les Pingouins à gagner la Coupe Stanley, mais il est toujours la cible. Ouais. Et à un moment donné, il se dit, là, c'en est assez. Il a une femme, il a 3 enfants. Il se dit, je vais passer à autre chose, mais sa fiche est hallucinante. Je ne vais pas rappeler tout le nombre de points, mais il y a un élément sur lequel il bat Wayne Gretzky mais à plat de couture, c'est la moyenne de points par match. 2.005 points par match. Et ça, Gretzky ne l'a jamais. Mais malheureusement, ce n'est plus cette moyenne qu'il a parce que, comme vous le savez, on va en parler, il a été de retour au jeu après. Oui, parce qu'il annonce, de fait, le 8 décembre 2000, qu'il revient au jeu. C'est confirmé, l'ex-joueur vedette des Pingouins de Pittsburgh, Mario Lemieux, effectuera un retour au jeu. L'équipe de hockey, dont il est propriétaire, vient d'en faire l'annonce. Stéphane Langdo est avec nous. Stéphane, qu'est-ce qu'on apprend dans le communiqué qui vient de paraître? Ben, il revient au jeu, c'est certain. Il pourrait réintégrer Raymond Laformation d'ici un mois, même si aucune date précise n'a encore été fixée. Selon le communiqué émis environ une trentaine de minutes, Lemieux, qui est âgé de 35 ans, déclare qu'il désire renouer avec la compétition après une retraite de 3 ans. Il dit que les dirigeants de la Ligue ont fait des efforts pour améliorer le jeu en punissant plus sévèrement, entre autres, l'accrochage, ce pourquoi il avait annoncé sa retraite en 97. Est-ce qu'il y a aussi des motifs financiers derrière sa décision? Oui, tout à fait. Au-delà du désir, il faut aussi relancer l'équipe qui occupe le deuxième rang de la section atlantique. C'est qu'à Pittsburgh, on compte en moyenne 3000 sièges vides par match, donc importante perte de revenus à ce niveau. Maintenant, il y aura une rencontre du bureau des gouverneurs lundi, puisque comme Lemieux est gouverneur et joueur, il y a conflit d'intérêts et le commissaire Gary Bettman devra expliquer la position de la Ligue nationale. Chose certaine, Lemieux devra abandonner son titre de gouverneur, mais il sera toujours en partie propriétaire de la formation pour laquelle il va jouer et avec laquelle, évidemment, il devra négocier son salaire. Mario Lemieux va rencontrer les médias lundi après-midi. Extrait du Radio-Journal du 8 décembre 2000, quand Mario Lemieux, Laurent Turcot, annonce son retour. Évidemment, c'est donc le joueur propriétaire d'équipe qui fait un retour. Et ça, c'est ce double titre, c'est vraiment central dans l'équation là, quand il décide de revenir. Oui, tout à fait. On dit que Mario Lemieux a marqué Pittsburgh, mais plus encore, il a fait un gros sauvetage, et c'est celui des Pingouins de Lafayette. En 1999, les Pingouins sont vraiment acculés au pied du mur, et tellement que ça faisait plusieurs années qu'on ne payait plus certains joueurs ou qu'on avait réduit les salaires. Et même les dernières années de contrat de Mario Lemieux n'avaient pas été payées. Donc lui, ce qu'il va dire, contre les années impayées de mon contrat, je rachète l'équipe. On va lui faire confiance. Ça va être une réussite, mais vous l'avez dit, on l'a entendu dans l'extrait, les Pingouins n'arrivent pas justement à engranger les profits nécessaires. Et pourquoi? On est dans une période cruciale. Souvenez-vous qu'en 1995, les Nordiques ont déménagé. En 96, les Jets de Winnipeg ont déménagé. Et en 97, c'est les Whalers de Hartford. Donc la question, c'est est-ce que les Pingouins vont être capables de se maintenir à Pittsburgh? Et un des grands éléments que Mario Lemieux va dire, c'est que oui, ils vont rester. Donc, peut-être qu'en devenant propriétaire, il avait l'idée de « je vais mousser l'équipe, je vais y revenir ». Ça va marcher. Ça va très bien marcher. Les taux d'assistance vont grimper. Et partout dans la Ligue, on l'accueille. C'est une légende, carrément, qui revient au jeu. En 2002, Mario Lemieux est capitaine de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Salt Lake City. Il remporte, c'est un de ses faits d'armes, la médaille d'or aux Jeux pour le Canada. Mario, mission accomplie. Félicitations. Non, je veux absolument que tu mettes ce casque d'écoute sur tes oreilles parce qu'il y a une personnalité qui est au bout du fil qui aimerait te féliciter. Est-ce que vous m'entendez au bout du fil? Je tiens à te féliciter. C'est tout simplement fabuleux. Merci beaucoup. C'est le premier ministre du Canada. Premier ministre, ça. Monsieur Chrétien, ça va bien? Oui, ça va bien, les gars. Je dois dire que tout le pays est fier de vous autres. Oui, c'est... incroyable, l'atmosphère ici au Canada. On est bien, bien fiers de vous autres. Et vous avez gagné d'une façon non équivoque. Alors, bravo! Merci beaucoup. Non, ça n'a pas été facile dès le début du tournoi, mais je pense qu'on a, monté beaucoup de caractère quand on est revenu le deuxième match. Puis c'est tout un feeling... d'avoir gagné la médaille d'or pour notre pays. Puis on est restés ensemble toute la semaine, puis ça a fonctionné pour nous autres. Merci à tout le Canada pour le support que vous nous avez donné. Ben, bravo, Mario. On est bien fiers de toi. Félicite tout le monde. OK. Et puis, le monde célèbre dans tout le pays à ce moment-ci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. OK. Bye-bye. Le premier ministre Jean Chrétien qui félicite donc en direct Mario Lemieux pour cette victoire de l'équipe canadienne, médaille d'or aux Jeux olympiques de Salt Lake City. Mario Lemieux qui retrouve d'ailleurs Wayne Gretzky, Lemieux est capitaine. Gretzky est le gérant instructeur de l'équipe du Canada à Salt Lake City. Vous vous souvenez très bien de ce moment-là, Laurent Turcot. J'ai une émotion humide, j'en pleure tellement. Écoutez, je n'avais jamais entendu cet extrait depuis le moment où l'équipe canadienne justement avait gagné Salt Lake City en 2002. Et souvenons-nous qu'on avait été humilié 4 ans plus tôt, justement en arrivant 4e. Donc, il fallait justement regagner, parce qu'on le sait au Canada, les Jeux olympiques, oui, c'est bon, mais si on n'a pas la médaille d'or au hockey, ben on n'a rien gagné. Et ça reste quand même le sport national. Mais c'est quand même magnifique, cette archive, parce que vous avez Jean Chrétien qui le félicite, ouais. Et Mario Lemieux qui dit « oui, c'est très bien, c'est très bien ». Et là, tout d'un coup, il rentre, on a l'impression que c'est deux commentateurs sportifs. C'est magnifique. Bref, oui, Wayne Gretzky, qui est le PDG et qui va mettre justement Mario Lemieux en charge de l'équipe, ouais. Qui va être le capitaine. Entendons-nous, Mario Lemieux, il n'est plus au sommet de sa forme, plus du tout. Mais ce qu'il exerce, c'est cette puissance de l'aura d'un capitaine, ouais. Ce qu'on appelle le mental toughness, là, en blague dans les boys. Mais c'est exactement ça. Et Mario Lemieux, quand il rentre dans un vestiaire, on l'a dit, 6 pieds 4, 200 livres, plus grand que les autres, plus grand que nature sur la glace, ben le respect s'impose. Le 24 janvier 2006, il va à nouveau, mais ce sera la dernière fois, ce sera la bonne fois, en guillemets, il va annoncer qu'il prend sa retraite définitivement comme joueur de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi il décide de partir? Ben, il décide de partir, là, il en a fait assez. Il est rendu à 40 ans et en plus, il a pris sous son aile le jeune Sidney Crosby qui venait de repêcher parce que ça allait plus bien du tout pour les Penguins de Pittsburgh. Et même, Sidney Crosby va vivre les premiers mois dans la demeure de Mario Lemieux et Mario Lemieux va être une espèce de chaperon pour le former et on retrouve encore beaucoup de Mario Lemieux dans Sidney Crosby. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ami de l'émission. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.